monde, boy, une seconde. Branche-toi sur les bonnes ondes, là où ma sonde fonde. Pas son champ d'action, une réaction face au tonnerre qui gronde. Connu comme la Joconde, comme la dune du Prix, là en Gironde. Mon style ne débat avec le gouvernement comme cette salope de James Bond. Écoute-moi bien, mon gars. Like a feeling Ottawa. Bah wow, bah wow. Tous les chiens aboient en ville. Mais les nouveaux poètes africains restent solides et lucides. Cité ascendée, Henri Murpen, les sondés. Abusif, décondé, dès qu'on veut vraiment parler. Participer à la soi-disant démocratie de la cité. Tu sais réciter, mais veux-tu vraiment inciter à la stabilité? Régional, national, international. Sans passer par la censure, l'expulsion, la prison, la peine capitale. Heureusement que la musique est là, pour que nos pouvoirs ne menacent pas. Normal, je présente le fond qui tousse, mousse. Conscious lyrics secousse, assurez-toi toutes les six têtes dans la brousse. Musicien qui se tient, soutient les siens. Même si beaucoup sont reconnaissants, rien t'en fait pas frangin. Ils se décident pour son chemin. Comme un brume au matin, comme n'importe quel connard braqué par un gamin. Comme n'importe quel politicien qui voudrait être assassin. Affûte ton style, bébé, la saloperie est sortie. Si tu ne veux pas être éphémère comme ma hype de MC. Yeah, donne-moi ton avis, le pouvoir ce que t'en dis. Qui contrôle quoi, qui dirige, qui ici? NAP, assassin, affirme leur position. Radical, geeker, renfort de réflexion, steady. Donne-moi ton avis, le pouvoir, ce que t'en dis. Qui contrôle quoi, qui dirige, qui ici? Face à ça, toi, quelle est ta position? Arrête d'avaler, check tes sources d'information, money. Je suis réaliste, me moque des utopistes comme Voltaire, critique Leibniz. Ce sont des prémices d'une pensée matrice qui éclipse d'un coup de vent l'image négative tentante qui nous a enfermés dans l'antichambre de l'attente. Oppose les factions, mais je précise, nous sommes des rampants face aux réalités capitalistes, c'est ma théorie. Ainsi j'explique mon état d'esprit. Malheureux nous sommes du fait que les valeurs ont disparu aujourd'hui. Les maîtres en bavardage jouent avec nos vies. Se vendent d'Auguste Comte et de sa sociologie. En démocratie, le peuple gouverne, mais personne ne l'a encore vu. Or, le pouvoir de l'État n'est rien si l'esprit n'adhère pas. L'arme du peuple, bien plus que le vote, c'est l'opinion, je crois. Chaque tyran veut forcer l'approbation et la veulent libre. Pourtant, il croit mériter l'amour par son statut. Paradoxe, voilà la folie du tyran. Donne-moi ton avis, le pouvoir, ce que t'en dis. Qui contrôle quoi, qui dirige, qui ici? NAP, assassin, affirme leur position. Radical, geeker, renfort de réflexion, je t'ai dit. Donne-moi ton avis, le pouvoir, ce que t'en dis. Qui contrôle quoi, qui dirige, qui ici? Face à ça, toi, quelle est ta position? Arrête d'avaler, check tes sources d'information, money. Je suis ce que je suis, je viens d'où je viens, je parle comme je parle. Je sabre le fruit défendu sur un sol de marbre. Pas d'ambiance macabre, la vie est bien assez relou. Comme ça que les plantes poussent dans l'harmonie et dans la joie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Tu ne saisis pas qu'ici-bas, c'est du positivisme que veulent mes gars. Même si c'est la merde, hein, même si certains sont au-dessus des rois. Accrochons-nous à la vie, accrochons-nous à ce qu'on a. Ouais, t'as raison, squat, moi je vois comme tu vois. La même pensée, les différences rassemblent, maintenant tu le vois. Une réflexion radicalisée sans nuance, ça sert à rien. C'est comme si moi, Abdelmalik, je devenais manichéen. Je m'introduis par intelligence dans les plus hauts cercles. Bannis les spiritueux, sache que le spirituel est ma règle. Frère assassin, sens de la soune à mon ISS. Confétaire, je deviens ma soumission à l'état cesse. D'autres aux plus jeunes que certains ont trouvé la voie. Que quand la musique bat le rythme, d'une personne est esclave de l'état. Que le passif de Strasbourg se mixe à ceux de Ripa. Que ceux de Ripa s'inspirent de la lutte de ceux de Cuba. Philosophie internationale pour le mind de squat. Et pour le crew d'Aïbre que je représente à chaque fois. Le pouvoir peut trembler de voir des gens qu'ils n'auront pas. Enseigne-moi, apprends-moi, apprends-moi. Yeah, donne-moi ton avis, le pouvoir, ce que t'en dis. Qui contrôle quoi, qui dirige, qui ici? NAP, assassin, affirme leur position. Radical, kicker, renfort de réflexion. Ok, yeah. Donne-moi ton avis, le pouvoir, ce que t'en dis. Qui contrôle quoi, qui dirige, qui ici? Face à ça, toi, quelle est ta position? Arrête d'avaler, check tes sources d'information, money. Yeah, NAP, n'a fuite, la fin du monde. Ok, Radical Kicker, Abdelmalik Rocking Squad. Yeah.